Bonjour. Je vais attendre que les gens arrivent parce que je veux savoir si le son va bien. Je veux savoir si le son va bien. Donc, est-ce que le son est bon? C'est ce que je vais vous demander de me dire. Donc, je vais attendre que les gens arrivent. Il y en a tout le temps. Il doit en avoir qui se doutaient que j'allais faire un direct aujourd'hui. Donc, il y a personne. Bon, Lulu, est-ce que le son est bon? Si le son est haché ou j'aimerais ça le savoir, là, ça va, comme ça, j'en referai un autre immédiatement. Donc, est-ce que le son est haché? Est-ce que le son est excellent? Bon. Le son est bon. Bon, excellent. Bon, je ne sais pas ce qui se passe, là, mon micro, il allume vert. Aujourd'hui, d'habitude, il est bleu. Pour l'instant, moi, on dirait, c'est peut-être, ça dépend peut-être de ce que je vais dire. Bon, ben, bon matin, Chantal. Le son est OK. Donc, nous dit Virginie. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai faite, par rapport à ce que une vidéo que je vais faire à venir, là. Bonjour, Mathieu. Il y a quelqu'un qui m'a écrit que. L'inverser dans une de ses rosaces, un de ses vitraux. Bonjour, Lucie. Donc, l'affaire qu'il faut comprendre, c'est que possiblement que c'est sur la façade nord. C'est sur la façade nord. Ces bâtiments-là sont des accumulateurs et des condensateurs. Donc, vu que c'est toujours dans un axe est-ouest, bonjour Carole, bien, le nord va être négatif. Le sud va être positif, comme l'est va être positif, l'ouest va être négatif, parce que c'est lié au soleil, entre autres. Donc, c'est pour des raisons magnétiques, si on peut dire telluriques. Ils vont mettre des fois des choses qui peuvent avoir l'air négatives sur les façades nord, mais c'est géométriquement négatif. C'est des lois magnétiques par rapport au tellurisme. Parce que, d'une certaine façon, si on considère que ces choses-là, au fond, viennent de l'Antiquité, viennent de l'Antiquité, on peut considérer la messe comme, je parle de la vraie messe, là, comme elle était avant Vatican II, comme une cérémonie de magie, au fond. Bonjour, Corinne. Donc, les bâtiments ont une fonction cosmo-tellurique, c'est-à-dire il faut qu'il y ait une harmonie entre les forces qui viennent, entre autres, du soleil cosmique, la lune, bon. Puis même sur la lune, c'est plus des forces telluriques qu'autre chose. Mais c'est ça, là. Au niveau de l'architecture, ils vont des fois mettre des pentacles inversés sur le côté nord. Je me rappelle plus c'est quelle cathédrale ou une basilique, là, à laquelle la personne faisait référence. Mais il y a une logique là-dedans. Il y a toujours une logique. C'est pas parce que c'est pas officiel puis qu'on n'en parle pas que c'est pas là. Parce que il faut considérer même le catholicisme comme étant lié à la même structure grand véhicule, petit véhicule. Donc, il y a des choses auxquelles le peuple n'est pas initié. Il n'y a pas un prêtre qui va parler de son nom et expliquer pourquoi la cathédrale est faite comme ça. Puis, souvent, ils ne le savent même pas eux-mêmes. Ils ne le savent même pas eux-mêmes. Donc, bonjour Corinne. Donc, c'est des choses comme ça, là. Il ne faut pas le voir comme nécessairement comme quelque chose de mauvais, là. C'est bon. Bonjour, moment présent. Donc, c'est ça que je voulais dire là, par rapport à si vous voyez des fois des pentacles inversés dans des rosaces, regardez vers où est orientée la façade. Puis vous allez comprendre. Donc, allô à tout le monde. Ah. Aloha, ça c'est. Ça veut dire à la fois bonjour et au revoir. Non? En tout cas. Donc, c'est des choses comme ça. Puis, il ne faut pas prendre ça d'une façon au pied de la lettre, pas se mettre à penser que l'Église catholique a construit des monuments sataniques. Hein? C'est plus. Là où il va y avoir une inversion par rapport à ces choses-là, c'est plus par rapport à certaines choses qui ne sont plus comprises aujourd'hui. Ça n'est plus compris aujourd'hui. L'Église catholique elle-même semble avoir oublié beaucoup de choses qu'elle savait. Puis, bon, ça donne ce que ça donne. Donc, par rapport à ça, prenez juste, si on considère la messe comme un rituel de magie antique au sens de l'Antiquité, parce que c'est ce que c'est. Puis là, je ne suis pas en train de parler contre ou pour la magie, là. Mais il reste que c'est ce que c'est. Et si on regarde ça comme il faut, c'est pas normal que maintenant les prêtres soient dos à l'est et face au public. Ça veut dire que ça change tout le dynamisme, ça change tout. Donc, l'affaire là, de transubstantiation aussi, si vous prenez ça dans votre main, il va y avoir un phénomène magnétique que c'est pas pareil comme si quand on lui donnait là, directement dans la bouche des gens. Peu importe ce qu'on peut penser de ça, peu importe ce qu'on peut. Il reste que, bon, c'est sûr que ça a pu la même. Ça a pu le même impact. Donc, il y a ça, je voulais dire par rapport, j'avais trouvé ça intéressant que quelqu'un rappelle, il y a un pentacle inversé dans la rosace d'une cathédrale. Ouais. Mais ces choses-là, c'est certain qu'il y en a d'autres hein, ailleurs, mais c'est lié à des lois magnétiques. C'est lié à des choses qui étaient très connues d'un certain groupe de personnes, puis qui ont, bon, ça, un jour, on va se rendre compte que ces bâtiments-là sont réellement des accumulateurs, des densificateurs, puis c'était lié au magnétisme terrestre, entre autres. Dans mon coin, il y a une cathédrale, il y avait un grand lustre, une sorte de candélabre un peu en forme de roue, un peu comme on voit au Moyen-Âge, puis qui était en plein centre de la cathédrale. Et les fidèles en avaient très peur. Pourquoi? Parce qu'il tournait. Pourquoi il tournait? À cause des forces telluriques, ils ont été obligés de l'enlever. Donc, à partir du moment où on nous monte une scène, un spectacle, une ambiance, c'est déjà retardateur, oui. Mais il faut comprendre que dans le passé, ça passait par ça. Puis, si on regarde ça d'une façon de la polarité dans l'être humain, vous avez une institution qui va combattre d'autres institutions qui elles-mêmes sont théâtrales, un peu. Donc, il va y avoir récupération, il va y avoir inversion, il va y avoir des jeux comme ça. Ça, c'est lié aux forces sociales, entre autres. Puis, le fait aussi qu'il y a tout le temps eu des guerres entre les groupes qu'on pourrait appeler d'initiés, là, entre guillemets, parce que le tellurisme, la géomancie, le cosmotellurisme, ce n'est plus comme avant, là. Dans le sens que c'est accessible à tout le monde, qui s'en donne la peine. Tout le monde peut étudier ça, c'est plus des secrets. Ça fait longtemps. Plus on avance dans le temps, plus les choses se dévoilent. C'est normal parce qu'un temple, ben, c'est une forme physique. Donc, avec le temps, ça se dégrade. Prenez le grand temple de Jérusalem. Il avait été dit qu'il serait détruit, qu'il serait reconstruit trois fois. Qu'il serait construit trois fois, c'est pas. Ça suit des lois. Des cycles dans les cycles, si on peut dire. Donc, c'est normal, un bâtiment de pierre, ça tombe. C'est pareil pour les lois qu'il y a dedans, ça n'a pas le choix de devenir accessible. C'est quoi qui a été dit, là? Fends la pierre et tu me trouveras, là. Il y en a qui sont allés un petit peu loin avec ça, là. Un petit peu trop loin. Ils prennent tout au pied de la lettre, ils sont trop fascinés par la forme. Et justement là, le piège, c'est ça, ne pas fendre la pierre au fond. Donc, c'est pour ça que le côté pratique va tout le temps être plus important que le côté, comment je pourrais dire ça, théorique. Le côté spéculatif, c'est comme ça que les choses se perdent. Bon, est-ce qu'il y avait des choses? Peut-être que je pense à ces choses-là, c'est parce que, voyez-vous, le pape va venir au Québec. Puis il prépare ça, puis ça va en être un, comment vous appelez ça? Un spectacle, une ambiance. On est déjà dans ça, là. Est-ce qu'il y a des sujets que, prenez dans le supramental, il est question du catholicisme et du christianisme d'une façon un petit peu critique ou encore de briser la forme, mais il a tout le temps été présent. C'est pas contradictoire d'une certaine façon, ça vous empêche pas d'être un bon chrétien, un bon catholique, bon, entre guillemets, là. Ça dépend comment on entend ça. Bon, j'espère que le son est encore bon. Donc, ce n'est pas obligé d'être contradictoire, là, ça n'a rien à voir. Peut-être même voir autrement des choses qu'on faisait naïvement, d'une façon mécanique, pour finalement toucher peut-être plus à l'essence de ces choses-là. Puis une fois que ça ne sert plus, ou même peut-être s'en défaire, mais ce n'est pas une obligation. C'est pas à oublier. En tout cas, donc, non, il n'y a rien. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas... Parce que moi, l'affaire où je voulais parler en premier, c'est pourquoi, bon, qu'il y a des bâtiments avec des pentacles inversés, pour voir ça comme nécessairement, comme satanique, c'est lié à des lois magnétiques, telluriques. La fascination des masses semble être écrite dans la génétique. Je me demande si c'est le résultat d'une manipulation, c'est juste un atavisme d'animal social. J'irais plus pour la deux, ben, sur les deux. Mais à mes yeux, c'est, on va, la manipulation, on va venir de se servir de ça. Mais c'est déjà dans l'être humain. Prenez juste chez les animaux, l'impression, est-ce que c'est plus important? C'est pour ça qu'un dindon se gonfle, qu'il devient... C'est l'impression, au fond, où les lézards là, qui s'écartent des membranes sur la nuque pour paraître plus gros. Donc oui, mais c'est lié à l'âme. C'est lié à l'âme qui est magnétique, qui est lié au magnétique. L'affaire de faire descendre l'esprit. Là, on entre dans l'électromagnétique. Là, on n'est plus dans le tellurique, là, c'est le cosmo-tellurique, si on peut dire. Je veux dire, le soleil, c'est pas tellurique au même sens que la Terre. C'est pas pareil. Les lois de la physique changent quand on s'approche du soleil, pas dans le sens que toute la physique n'est plus valable, mais dans le sens qu'il y a un effet électromagnétique. Donc, possiblement que le temps, puis ben, c'est tout lié à des phénomènes qu'on pourrait rattacher, pas seulement à la lumière, juste les photons, mais aussi à d'autres choses, là, des courants. Salut Berthold, bonjour à tous, bonjour Steve. Donc, l'affaire là, d'atavisme d'animal social, c'est des choses très subtiles dans le sens que c'est dur à voir, c'est dur. Je me souviens avoir été fasciné enfant, jeune adulte, maintenant je me méfie aussitôt que j'approche de ce sentiment danger. Je me demande ce qui m'est arrivé. Ben, vous avez pris de l'expérience, puis il y a dû avoir des déceptions. C'est, au fond, c'est comme ça que la fascination cesse. La fascination, c'est extrêmement subtil. C'est difficile même à cerner, mais c'est des mises en vibration. C'est magnétique, c'est-à-dire quand on est impressionné, on est magnétisé. Souvent par une forme. L'ambiance, elle, ça va être des effluves qui sont pas... c'est lié à des choses qui vont auxquelles le système nerveux réagit. Mais c'est très subtil, ces effluves-là, ces choses-là. Juste le fait d'avoir des gens qui sont très fascinés autour, soit ça peut engendrer un phénomène de protection, c'est-à-dire la personne, justement, va réagir en voulant s'en aller. Soit vous allez être fasciné aussi. Là. Ça dépend tout le temps. Le niveau, on dirait, auquel le système nerveux vibre. Donc, Marius Triton, bonjour. Bonjour, Marius. Ah, Triton. C'est pas un amphibien, ça. Petite créature... dans la mythologie, Triton, c'est autre chose. Mais... juste, prenez, si on prend la symbolique des amphibiens, on pourrait parler de quelque chose de tellurique, de magnétique, en contact avec le sol, avec l'eau, mais il n'y a pas nécessairement le côté électrique, le côté électromagnétique comme un lion ou même un chien. Des fois, j'aimerais que la masse reçoive un choc, mais étrangement, on dirait que le défi est plus fort chez les gens. Peu importe ce qu'ils voient. Ben oui, c'est des mécanismes de subjectivité. Donc, des fois, ça ne donne rien, mais il risque. Bon, ça, la masse, inquiétez-vous pas, elle a des chocs tout le temps. Quelle est, à tes yeux, l'utilisation que l'on peut faire de cette connaissance une fois qu'elle nous est dévoilée? Ben, elle peut être fascinée, justement. Le fait de voir, ça empêche d'être fasciné. C'est comme un enfant qui est devant un jouet qui bouge tout seul, puis qui ne comprend pas qu'il y a des batteries dedans. Puis il va être fasciné. Plus tard, quand il comprend le principe des batteries, puis de la mécanique, il est plus impressionné. Donc, il n'y a plus à être fasciné par des jouets. Je le vois comme ça. Les vieilles civilisations vivent présentement des chocs et des moments difficiles. J'estime que le Québec aura un rôle clé dans un avenir proche. Mais vous savez, plus on approche de la fin, il y a plus tout le monde va avoir un rôle clé, semble-t-il. Donc, un jour, je vais expliquer pourquoi j'ai continué d'écrire clé avec un F à la fin. Mais en tout cas, vous savez, les vieilles civilisations, ça dépend ce qu'on entend par ça. Parce qu'en ce moment, moi, je vois une civilisation. J'en vois pas plusieurs. La plupart des ce qu'on pourrait appeler les vieilles civilisations, elles ne sont plus là. La télépathie prend environ 8 minutes pour se rendre. Ça dépend la fréquence du récepteur, ça. Donc aussi de l'émission. Mais oui, puis il semblerait que même l'humidité, il change quelque chose. Donc, bonjour Lorraine. Donc, c'est contextuel, ça dépend toujours. Mais la télépathie, ça peut être instantané. Ça peut être instantané. Bonjour, bonjour, Tionneb. Donc, par rapport à tout ce qui vient, là, comme par exemple le pape qui vient au Québec, pourquoi le Québec a l'air tellement important par rapport à ça, a tout été un bastion. C'est un bastion, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, j'avais peur là, que Todd il me parle que le son n'était pas bon, je ne sais pas pourquoi. Mais à un moment donné, on parlera de le Québec en tant que le côté caché par rapport au fait qu'il y a des choses bizarres par rapport au Québec. Bizarre d'un point de vue d'une perception, là, mais tant que ce n'est pas la TV qui leur dit ce qui est inacceptable, la majorité continue de croire que le toucher rectal qui s'éternise n'est en rien une sodomie. Ben oui, bonjour Jean. Ben vous savez, ça a tout le temps été comme ça. Je vois pas de changement. C'est pareil. C'était une petite blague, ben pourtant. C'est pas juste une petite blague, dans le sens que ce qu'il y a derrière, il y a une réalité. Mais la télévision, c'est quoi? C'est des images qui bougent. C'est une sorte de miroir magique. La télévision, pourquoi à l'époque, quand il y avait un moribond dans un lit, on couvrait les miroirs? C'était pour pas que les miroirs aspirent l'âme. Même si c'est naïf, même si il y a des choses par rapport à ça. Je dois être très naïf, mais il me semble que Dieu aime, même s'il n'a aucune chance, il me semble sincère. Je sais pas, là. Monsieur Dieu aime, je me souviens quand il était chef des jeunes libéraux, puis après sa carrière à la radio, je l'ai écouté un petit peu. C'était pas fort, là, des fois. En tout cas, si on le verra, le problème avec quelqu'un comme lui, c'est qu'il faut le mettre au pouvoir pour voir s'il est sincère ou pas. Estimez-vous avoir encore de la spiritualité en vous? Oui, mais c'est par phase. Ça dépend comment je vais. Mais oui, il n'y a personne qui est exempt de ça. Trouvez-en un, là, qu'il n'y a aucune spiritualité dans ce domaine-là, puis si vous allez voir, si vous grattez un petit peu, vous allez voir que bon, on n'a pas le choix d'en avoir un peu, ne serait-ce que pour communiquer. Des fois, là, ça dépend de quoi on parle, ou en avoir eu, en tout cas. Salut Berthold, j'ai été voir Denis Jutras, et avec sa parole, il a créé une commande à son esprit pour que mon esprit me sorte de l'abîme. Suite à ça, j'ai ressenti un champ magnétique très doux. Ouais, c'est parce que ça pourrait être de la mise en vibration, de la magnétisation. C'est parce que pour se poser, je sais pas. C'est entre vous et je parle de la télépathie. Oui, c'est un petit blague. En géobiologie, les miroirs sont des ondes de forme. Ben, c'est surtout, prenez là, c'est par rapport à la vue, entre autres. Le miroir, il y a la vue. Le miroir existe pour celui qui voit, là. Un aveugle va. Mais ça dépend, là, de quoi vraiment on parle, mais ce sont des ondes de forme. Je dirais que ça peut décupler la l'onde. C'est parce qu'il y a une réverbération. Je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'il y a une différence entre supramental et supraconscience? Si oui, lesquelles? Ben, la supramentale, c'est une vibration, si on peut dire, puis la supraconscience, c'est un état de conscience. Donc, il y en a un qui est une cause, puis un effet. La cause, c'est le supramental, l'effet, c'est la supraconscience. Dans le sens qu'il va y avoir une métaconscience, c'est-à-dire que l'ego, en tant que lentille, va être capable d'avoir de faire grandir, si on peut dire, une objectivité. C'est des phénomènes, entre autres, liés à des mécanismes de survie même. Donc, il va y avoir on va créer un surmental, c'est-à-dire une part d'objectivité où l'ego peut se voir lui-même. Et là, le vrai miroir, le vrai miroir, celui qui rend humble sans que ça soit une polarité de l'orgueil, celui qui peut voir son reflet sans s'endormir. Vous savez, là, c'est-à-dire sans se mettre en vibration par sa propre forme, comme une narcisse, si vous voulez. Parce que ça mène toujours vers la mort, c'est pour ceux qui se noient. As-tu entendu de la masse formation psychosis? Très intéressant pour comprendre le phénomène social de clivage qui se passe actuellement. Non. Non, je n'ai pas vu ça. Vous avez parlé de l'avènement d'un cosmisme. Je vous ai dit appartenir à cette spiritualité. Vous l'avez qualifié d'antéchrist, oui. Ben oui, parce que c'est ça qui précède. L'être humain, il est spirituel parce qu'il en a besoin. À un moment donné, il va se rendre compte que, bon, mais avant ça, il faut qu'il y ait une période avant. Savez, donc antéchristique, c'est-à-dire avant que l'être humain devienne vraiment ce qui est censé être. C'est un peu comme un insecte, l'être humain. Il mange des textes, comme une chenille qui mange des feuilles, il mange des vieux textes. Faut qu'il digère ça. Après, à un moment donné, il va vivre du cloisonnement, il va se faire un cocon. Mais le cocon, c'est un peu le cosmisme, là. Mais après, il va falloir sortir de ça, là. Il va falloir que la chrysalide devienne papillon. C'est des lois. J'ai constaté l'usage de la parole comme étant l'usage de notre propre source. Quand je crée une commande, je ressens un ajustement intérieur, mais je ressens un manque de puissance. Ah! Ça dépend, là, qu'est-ce que vous entendez par vous créer une commande. C'est comme un. Je sais pas, là. Ça dépend toujours de qu'est-ce que vous voulez dire par ça. Mais là, l'usage de notre propre source. Vous savez, la source va faire usage de vous. Dans le sens que c'est l'âme, c'est passif de nature, puis l'ego, c'est réactif de nature. Donc, l'affaire, la source, le dynamisme que ça engendre, au début, parce qu'à un moment donné, il va y avoir de la gestion qui se transfère. Mais là, vous parlez l'usage de la parole comme étant l'usage de notre propre source. Pourquoi la parole est tellement importante? Parce que c'est vibratoire. C'est vraiment vibratoire. C'est lié justement à des. C'est juste quelqu'un qui parle, des fois, on peut voir. Bon, juste par la voix, j'ai pas besoin de voir la personne, des fois juste la voix. Merci pour ce développement. J'aime cette idée du cocon. Ah. Ben, quand je parlais à un cosmisme, là, je parle au niveau social. C'est-à-dire que l'humanité est en train de détruire des vieilles formes, mais pas parce qu'elle l'a décidé, mais parce que des gens ont décidé. Pourquoi? Pour créer d'autres formes qui vont servir à des gens. C'est de la psychologie de masse. Donc, quand je parle le cosmisme, je parle une espèce de spiritualité mondiale qui va être un syncrétisme, entre autres. Prenez les cosmismes dans le temps de l'Union soviétique, qui est un petit peu la religion. Mais donc, ordonner au lieu de prier. En mendiant. Ouais, c'est parce qu'il va y avoir une évolution au niveau du fait que ça ne va pas nécessairement obéir tout le temps. C'est que vous ordonnez quelque chose qui n'est pas ajusté. Ben, des fois, c'est le contraire. Ça dépend. Des fois, pour que quelqu'un évolue ou intègre, il va falloir qu'il lui arrive le contraire de ce qu'il ordonne. Alors, ça dépend ce qu'on entend par ordonner. Donnez-vous des ordres à l'invisible ou si vous ordonnez, vous essayez de créer de l'harmonie autour de vous, c'est pas pareil. L'âme passive, l'ego répulsif, pas mal ça aussi. Moi, je dirais plus réactif. L'ego est réactif. C'est un peu comme une lentille, c'est-à-dire ou une membrane, si vous voulez, comme un tambour. Donc, ben, c'est quoi pour toi l'astral supramental et c'est quoi pour toi un archonte? Ben, l'astral supramental, ça n'existe pas. Le supramental va tout le temps être au-delà de la mémoire. Parce que c'est pas lié à de la mémoire. C'est de l'intelligence non égoïsée. C'est ce qu'anciennement, on pourrait appeler l'esprit, là. Tandis que l'astral n'est qu'âme, il n'est que mémoire, il n'est qu'information enregistrée. Puis là, les archontes, là, ça devient touché. Ça devient touché. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on pourrait appeler des lois fréquentielles systémiques. Puis il y aurait il y a des chiens de garde, là, si on peut dire. Mais c'était tellement galvaudé, ce terme-là. C'est quoi une arche? C'est quoi une arche? Bon, je parle pas nécessairement juste un véhicule, mais une voûte, là. Parce que ça peut pas être un il y a, prenez un arc-en-ciel, il y a différents niveaux de fréquence. Puis prenez, là, quand on met une arche au-dessus de deux murs, est-ce qu'il n'y a pas un côté positif, négatif? Est-ce qu'on pourrait parler un champ magnétique? Et s'il y a des lois de ça, il y a des intelligences de ça. Mais ce n'est pas nécessairement des intelligences au sens humain. Donc, ça va suivre des lois qui ne sont pas nécessairement à notre niveau vu comme. Le problème avec les plans, c'est que les plans sont habités la vie. Dans le sens qu'il y a de la faune, il y a de la faune puis de la flore à différents niveaux de fréquence. Donc, les archontes, on parle de quoi? Comme intelligence. Puis moi, seule fois où j'ai parlé les archontes, c'est pour dénoncer le fait qu'il y a des gens qui s'accusent entre eux d'être des archontes. Il y a du monde, ils ne seront pas d'accord avec ce que quelqu'un dit, qui dit, ah, c'est un archonte, un être sans âme, alors que ça démontre une incompréhension du principe de l'âme. Pas d'âme, vous n'avez pas de véhicule intermédiaire pour animer le corps. Donc, les archontes, techniquement, ça peut chevaucher quelqu'un, mais pas s'incarner. Dans le sens, on va plus parler des gens qui sont influencés à certains niveaux. Je sais pas si mais là, l'affaire, c'est que là, il y a toute une doctrine derrière ça, là, qui nous vient entre autres de des régions, là, puis de certaines époques. Où il y a maintenant beaucoup des chrétiens coptes en Afrique du Nord. Un pays d'Afrique du Nord qui ne fait pas partie du Maghreb. Ils ont écrit pas mal, eux autres. Sont tout le temps été forts là-dessus, dans ce coin-là. Puis là, jusqu'à un certain point, il y a des choses qui viennent de là. C'est des vieilles mémoires. Puis ça a fini par devenir de la doctrine. Je me suis fait dire que j'étais assujetti à une entité puissante et que la personne la voyait à côté de moi et que c'était un archonte, une entité puissante qui aime le pouvoir et faire du sabotage. Ouais, c'est pour ça, faut faire attention, pas trop anthropomorphiser. Mais au niveau d'une perception qu'on va réactualiser dans une forme, c'est sûr qu'une entité qui est à côté de vous, plutôt qu'au-dessus, si vous voulez, là, c'est bon. Le supramental peut devenir un sujet astralisé. Ben oui, ça l'est très, très, très astralisé. Très, très, très astralisé. Même pas mal. Prenez, là. J'ose pas trop donner des exemples, mais oui. Ben oui, c'est en train de devenir. J'avais fait un audio dans lequel je disais qui devait défaire les formes d'une catéchèse ésotérique est en train de devenir une catéchèse ésotérique. Et c'est exactement ce que c'est devenu. C'est pour ça que, je vous dirais, il y a autant de types de supramental, entre guillemets, qu'il y a de gens qui le parlent. Parce que oui, c'est un sujet astralisé, c'est sûr, ça s'enregistre dans la mémoire, puis c'est récupéré au niveau de la subjectivité, de la polarité, puis il y a même des guerres. Vous ne pouvez pas avoir des groupes comme ça, des gens qui ont eu accès à des informations comme ça, sans qu'il y ait une certaine récupération par certaines forces, puis qu'il y ait une antagonisation qui s'installe. C'est pour ça que j'essaye de mêler le plus de mes affaires, parce que je la connais, cette game-là. Je la connais. Ils sont sans esprit. Tout le monde a une âme. Ouais, c'est ça. Ben oui. L'affaire, là, c'est qu'il y a des êtres qui sont coupés de leur source. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu s'immortaliser. Ben oui, si t'es immortel dans ce sens-là, il n'y a plus d'évolution, il n'y a plus rien. T'es figé dans le temps. Ça fait des êtres sophistiqués. C'est des intelligences sophistiquées, dans le sens de presque on pourrait dire de sophisme. Là. Vous voulez dire les artefacts extraterrestres, hein, au Tazili, au sud d'Algérie? Non, non, non. Non, non, non. Ben non. Les artefacts extraterrestres qu'on en trouve, pour vrai, là, je parle de quelque chose qu'on ne pourra pas. Non, mais non, non, je parle des coptes. Les coptes qui ont été précédés par les gnostiques. Selon vous, l'homme a-t-il terminé son évolution? Avons-nous passé le nadir? Non. Ben non. Au contraire. L'évolution, pour que ça se termine, il faut qu'un cycle complet soit fini. Ça veut dire que c'est encore la même. C'est la même humanité qu'il y a 5000 ans, là. C'est pas. Y a-t-il des personnes qui se sont conscientiser que leur fonction est de se faire posséder et non habiter par des forces de lumière. Ouais, c'est parce que la différence entre l'habitation puis la possession. La possession, il y a une notion de domination des structures. Il y a une marionnettisation, si vous voulez, tandis que l'habitation, il va avoir une collaboration harmonieuse. Puis même là, c'est subtil, là. Il y en a qui vont se sentir habités. Moi, peu importe c'est quoi, je ne veux pas être habité. Je peux pas. On va commencer par consolider les structures puis mettre ça solide, puis après, on verra si on peut faire rentrer. On va. Tiens, mes messages se font filtrer encore une fois. Ah oui. Bon, ben, c'est pas moi. Des fois, je me dis, je devrais peut-être mettre quelqu'un comme. Voyons, j'oublie tout le temps le mot comme régulateur, là. Peut-être comme ça que si on filtre nous-mêmes, il n'y aura plus un tiers qui filtre. Hein? La spiritualité à laquelle j'appartiens reconnaît le phénomène OVNI comme un phénomène ennemi de la race humaine. Ben oui, mais c'est des formes faites pour impressionner. C'est quoi l'intention? Sur ce plan-là, on se rejoint un petit peu. Là. Bonjour, Mimi. Donc, puis vous avez raison de dire un phénomène. Pourquoi? Parce que c'est perçu. On a affaire à quelque chose qui est au niveau de notre perception. C'est difficile de remonter à la source du phénomène, si vous voulez. L'aspect nous mène, qui nous mène. Les phénomènes nous mènent. Mais c'est. Oui, ben, je pense que. Bon, c'est parce que la domination au niveau de la forme qui ne vient pas de la Terre, là, on va vous parler, c'est luciférien. C'est-à-dire, il y a des forces cosmiques qui sont là pour marionnettiser l'homme, si on peut dire. Puis aussi exploiter le. En tout cas, disons que considérer que chaque être humain est un peu comme une centrale. Une centrale qui génère énormément d'énergie. Pourquoi? Parce que l'être humain, par son cellulaire, a accès à différents plans, entre autres. Il fait passer l'énergie d'un plan à l'autre, un peu comme une centrale nucléaire. Mais là, c'est au niveau du noyau des cellules. Mais ça, c'est exploité, ça. Cette énergie-là peut faire fonctionner des machines, toutes sortes de choses. Ça peut même servir de nourriture. Regardez les mythes des vampires, c'est rattaché à la terre et au sang. Mais souvent, c'est des entités volantes. Là. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Bonjour, Michael. Benoît, selon toi, est-il vrai qu'après le passage de BDM sur Terre, que l'évolution de la conscience est plus facile maintenant car il a créé des brèches dans le plan astral? C'est plus le nazaréen, ça. Mais là, même là, vous voyez qu'avec le temps, mais je dirais que c'est non, parce que de toute façon, on s'en va vers une fin de cycle. Ça dépend. C'est réel pour, oui, pour au niveau d'individu, mais au niveau collectif, non. Comme vous dites là, que le passage de BDM, que l'évolution de la conscience est plus facile maintenant, pas au niveau collectif. Mais au niveau d'individu, oui. Donc, oui. Mais pas, ça dépend à quel niveau on parle. Mais aller faire un trou là-dedans. Bernard était, il était pas allé jusqu'à dire que je suis un chemin puis une porte, comme un autre dit, voyez-vous là. De toute façon, tout est récupéré tout le temps. Puis, mais il risque. Non, non. Si on prend Bernard comme un défricheur, puis qu'on le prend comme un chemin, puis une porte, on est fait. Parce que ce qui est apporté, c'est la capacité à l'homme de créer son propre chemin, ses propres brèches. Il faut que l'individu crée ses propres brèches. Il va falloir qu'il déchire les voiles lui-même. Avec le bout de ses doigts. Donc. J'ai côtoyé un jeune qui est je ris parce qu'il y a quelque chose par rapport à ça, le bout des doigts. J'ai côtoyé un jeune qui venait de la secte de la mission de l'Esprit Saint. Il m'a mis la puce à l'oreille car les membres nés dans la communauté doivent porter le nom du fondateur Eugène Richeva. Oui, Fléchère. La flèche, fléchée. Puis, ça, c'est spécial. C'est vraiment spécial, là. Sont-ils encore pas mal? Je ne sais pas. D'après moi, ils sont pas mal, parce que, bon, du coup, c'est un peu comme des mormons, eux autres, là. En tout cas, mais c'est spécial, ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il y en a un paquet d'autres. Au moins, il y en a des ces sectes-là qui n'existent plus. Comme prenez les apôtres de l'amour infini. Ça, c'est un scandale. Puis il y a eu des collaborations avec le gouvernement. Ils n'ont pas le choix de négocier avec eux autres parce qu'ils s'en veulent de l'opinion publique contre le gouvernement. Puis il y a bien des Américains qui sont venus au Québec pour se joindre à ça. Puis c'est une affaire de fou. Mais le Québec, là, ça va tout le temps être pas tout le temps, mais c'est propice à ça. Autant que d'autres places, là, comme la Russie. Puis ça a tout le temps été en cause de la Russie. C'est incroyable. Il y a tellement de sectes en Russie que c'était quasiment impossible de toutes les. Bonjour Bertolt, je viens d'apprendre ton existence hier, ça fait plaisir. Ah, ben, bonjour Christophe. Ben, c'est que c'est un des petits milieux fermés. Hein. C'est des petits milieux fermés. J'ai entendu que BDM, c'est le supramental de la tête. Aurobindo du supramental du cœur et là, le supra. Des viscères, t'en comprends quelque chose, oui. Prenez là au niveau les quatre éléments. Les cinq, dans le fond, mais on va prendre. Vous avez l'eau, ça va être au niveau des pieds. Après, on monte un peu là, le ventre, les viscères, là, ça c'est la terre. Après, le cœur, poumon, là, il y a l'air, là, on monte la tête et le feu. Pourquoi Jupiter tient un éclair? Pourquoi il lance des éclairs? C'est une cervelle, Jupiter. BDM et Daniel Kem sont venus engrammer une vibration et surtout à travers leurs conférences ont transmis des messages à des individus de notre temps. J'ai de la misère un peu avec ça, l'affaire des messages. Parce que c'est des formes, un message. Un message, c'est une forme. Ça prend un messager qui transporte le message. Comme dans le temps, les coursiers à chevaux. Moi, je dirais qu'ils ont amené une vibration. Puis cette vibration-là est au-delà de la forme. Comme je disais plus tard, là, de. C'est pas dans la forme. Mais oui, c'est ça l'affaire, c'est que c'est tout vrai. Ça dépend ce qu'on voit, jusqu'où on voit. Mais engrammer une vibration, oui. Mais surtout à travers leurs conférences, on transmet des messages à des individus de notre temps. Oui, mais ça serait impossible sans, comme vous dites, engrammer une vibration. Mais là, dans le fond, ce qui serait souhaitable, c'est de désengrammer par une vibration très forte. Vous savez, comme les instruments pour nettoyer les instruments de laboratoire là, avec des ultrasons.

C'est de la mauvaise éducation quelque part. Puis prenez les sportifs d'aujourd'hui qui, quand ils remportent une victoire, ils franchissent le fil d'arrivée, ils se mettent à crier, ils se mettent à faire des sparages, puis reculer dans le temps, les plusieurs générations en arrière, vous allez voir, les gens avaient une certaine décence qu'on ne voit plus. Faut pas, faut, l'émotionnalité, c'est ce qui nous lie entre autres à l'animalité. C'est pas nécessairement mauvais, c'est ce qui permet d'avoir de l'empathie entre autres, mais faut pas que votre émotivité, ce soit ça qui vous possède. Oui, modération en tout, qui peut apporter l'harmonie, ben oui. J'essaie d'écrire des trucs en changeant les formulations au cas où ils filtreraient par mots-clés, mais ce n'est pas évident, moi. L'hypersensibilité, c'est un peu trop lourd, et voilà. Puis la lourdeur, elle ne vient pas de l'hypersensibilité, elle vient de ce qui est capté à travers. Ça devient une porte ouverte, là. C'est un peu comme une maison que toutes les fenêtres, toutes les portes sont ouvertes. Il peut rentrer n'importe quoi, puis ça, ils vont s'installer. Ça va s'installer dans la maison. C'est là la lourdeur, là. Quelqu'un qui est trop sensible, c'est un handicap. Je veux dire, la sensibilité, c'est un avantage. L'hypersensibilité, c'est handicapant. Puis ça, on finit, on le voit. Comme, bon, on sait pas. J'ai fini par m'attacher à peu de choses, mais si quelqu'un touche à ce peu de choses-là pour le détruire, là, c'est comme. Je vois que, bon, c'est une vulnérabilité. Donc, être hypersensible, c'est pas souhaitable. De toute façon, un être sensible, sa priorité, ça va être d'avoir la paix. Il va tout le temps courir à avoir la paix. Il pense juste à ça. C'est un peu comme dans Les Voisins, là, le Bernard de banlieue, il dit, il n'y a pas moyen qu'il arrive à rien dans la vie. Je n'écœure pas le gazon de personne, moi. Pourquoi tout le monde vient acheter le mien? Il y en a ça de l'hypersensibilité quelque part, c'est-à-dire que il y a une projection, là. Une projection. Donc, c'est être vulnérable. C'est pas, là, je caricature, là. C'est pas vraiment de l'hypersensibilité, là. Mais il reste que ça, c'est les mêmes mécaniques. C'est les mêmes mécaniques. Ce qu'il dit à un moment donné, il dit, je demande pourtant pas grand-chose au bon Dieu. Je veux juste qu'il arrive à rien. Là, c'est quelqu'un de mort, là. Il veut qu'il arrive à rien, comprendre. Les lois de la vie l'attaquent parce qu'il est trop. Il me semble qu'il y a en plus un amalgame entre sensibilité émotionnelle et sensibilité liée au sens, oui. Ben oui, regardez comment l'odorat est lié à l'émotivité. Tout à l'heure, je parlais, je l'épise comme l'eau, puis là, on monte un peu, là, pour la terre, puis au niveau des poumons, l'air, puis. Les sens les plus proches du végétal, plus bas, de l'eau, si on peut dire, il y a le goût, le toucher. Après, vous montez, puis plus on se rapproche de la tête, là, oh, puis il y a l'ouïe, puis l'odorat. C'est juste en bas de la vue. Et là, c'est lié à l'âme beaucoup, mais une âme qui est en train de. Je me souviens de votre propos sur l'apparition de Fatima. J'ai été frappé comment vous avez à la fois reconnu le phénomène et contester ce qu'il ordonnait, ben oui. Ben oui, mais c'est tout le temps les mêmes choses. On est au courant. Moi, j'aurais envie de dire, là, on est au courant de tout ça. Là. Amenez du nouveau, là, donnez-nous de l'utile. Tu sais, je veux dire, c'est tout le temps les mêmes remontrances. Puis je peux dire, à un moment donné, là, c'est parce que ça fait juste créer des chocs au niveau des foules. À la fin du cycle, il y a certaines forces qui vont se servir de ces formes-là. C'est l'évidence. Bonjour, Novak. C'est évident. C'est une forme tout le temps pour manipuler. Donc, qu'est-ce qui est mieux, je veux dire, dans le sens des mouvements de foule comme ça, puis prenez, moi je me souviens quand ils ont sorti les secrets de Fatima, je n'étais pas impressionné. J'étais jeune, là, j'aurais pu dire c'était quoi. Dans le sens tout le temps pareil. C'est tout le temps pareil. En tout cas, bonjour, dit colliste. Prenez, il y a une autre place là, qui a eu des apparitions mariales, là, supposément. Là, puis, Il y a un français, là, les enfants étaient en extase, on les met en extase. Quand on connaît le mysticisme, le rapport, le ravissement, l'extase, ces choses-là, c'est des états très précis. C'est très, très précis. Lui, il est arrivé, puis les jeunes priaient, puis après, elle dit, oh, c'est parce que la Vierge Marie tenait l'enfant Jésus, puis là, elle est partie pour l'échapper, mais elle l'a rattrapé, fait que j'ai eu comme, hey, un instant, là. Ça, on voit que c'est des affaires d'enfant. Puis l'être humain est enfantin. Donc, les apparitions, ils valident bien ce qui les arrange, et voilà. Ben oui, c'est des forts. C'est quoi une apparition? C'est un apparat. Apparence, apparition, apparat. Moi, j'avais été impressionné aujourd'hui, je vous approuve dans cette contestation. Ben oui, parce qu'on fait rire de nous par des forces qui ne nous respectent pas dans notre intelligence. Ils veulent qu'on reste naïf comme des petits-enfants, mais être comme des petits-enfants, c'est dans le sens de rester disponible, objectif puis sensible, pas dans le sens d'être naïf, puis impressionnable, puis vulnérable. Puis des proies, finalement. Qui peut apparaître puis dire, soyez comme des proies, ben, une espèce de prédateur extrêmement perfectionné. Donc, je reste. Ouais. Donc, exactement. Bon. Karina, je suppose qu'il y a des lois de l'apparition. Ben oui. Ben, c'est des lois de la densité ou de la perception. C'est-à-dire que il peut y avoir une apparition qui est une influence directement sur le système nerveux. C'est-à-dire, si vous voulez, une sorte de projection, d'hallucination contrôlée par une volonté, entre guillemets, puis vous pouvez avoir des apparitions qui sont des densifications. Là, le phénomène commence à être inquiétant. Quand ça commence là, à se matérialiser, entre guillemets, là, c'est pas du matériel au sens où on l'entend, mais que ça c'est lié, entre autres, le magnétique, puis. Là, ça, il va même avoir des phénomènes, des odeurs d'ozone. Il va avoir des choses qui se densifient dans l'air puis qui retombent, ce qu'on appelait des cheveux d'ange anciennement. Puis c'est des phénomènes qui sont tout le temps liés justement à des lois. Mais parce que peu importe le plan où on est, peu importe à quelle fréquence on est, il y a des lois, il y a toujours des lois de l'hyperphysique. La métaphysique, on devrait considérer ça comme de l'hyperphysique, alors qu'au sens antique du terme, c'est de la spéculation pure. Mais il y a des phénomènes. Donc, ces forces-là ont une bonne approche quelque part, puisque le bétail humain est bien content de suivre la pollution. Ça doit avoir une bonne approche dans le sens c'est efficace. Mais ça n'a pas rapport avec le bon, le vrai, puis dans le sens le réel qui amène une compréhension réelle, une intégration. C'est bon dans le sens que c'est efficace. Des hologrammes densifiés, oui, on pourrait voir ça comme ça, mais c'est parce que quelque chose qui est sur une fréquence peut commencer à aller sur une autre fréquence, là. Donc, hologramme, c'est spécial hein, parce que il y en a, ils ont été bien surpris, des gens qui ont pris leur courage à deux mains puis se sont rendus compte qu'ils pouvaient blesser des apparitions. Donc, ouais. Donc, il y avait des phénomènes. Quelqu'un qui n'a pas froid aux yeux là, puis qui se plonge les mains dans une silhouette, là, il y a des conséquences. Il va se passer quelque chose. Alors, justement, il y a des lois. Donc, ouais, ben là, ça dépend de ce qu'on parle des hologrammes comme les Américains ont. Quand il y a eu la guerre du Golfe, les troupes de Saddam Hussein ont vu passer des lignées de chars dans le désert. C'était des images. Ils ont essayé d'envoyer de l'artillerie, je pense, là-dessus, puis c'était des images, c'était des diversions. Ça s'est envoyé comment? Possiblement par satellite. Satellite en guillemets, parce qu'il y a il y a des choses qui sont dites pas par rapport à ça. Les hologrammes, belle trappe, oui. Oui, bonne pour elle, c'est ça. Ça va être bon dans le sens où ça fonctionne. À ce niveau-là, on peut dire que une propagande est plus ou moins bonne. C'est la même chose dans le sens d'efficacité. Mais ça ne veut pas dire que l'intention est bonne. Le but, c'est de mener les masses. Parce que sinon, bon, si c'était honnête, ça serait. C'est ça, moi, qui me met en colère. C'est pas honnête. C'est tout le temps. Il me semble que si la Vierge t'apparaît et que tu ne réagisses pas, tu continues de manger ta soupe, la déception astrale. Moins. Mais là, ça dépend, c'est une manifestation de quoi? Parce que c'est pas nécessairement de l'astral. Ça peut être autre chose. Même à mes yeux, il y a d'autres choses qui peuvent servir des formes comme ça. Il y a d'autres formes. Il y a d'autres. Mais ouais. Ben, prenez en Chine, il y en a qui voient apparaître des immortels. Les taoïstes, ils voient apparaître des immortels. Ben, voulez-vous me dire où la différence? T'sais, c'est les mêmes phénomènes partout sur la planète, dans toutes les cultures, pareil. La forme n'est pas pareille, parce que ça s'adapte. Mais c'est tout pareil. Ah, j'entends hologramme par des transferts de trucs d'une densité à une autre, grâce à des forces, pas d'images crues. Ok, ouais. Oh oui, ça revient à des hologrammes. Mais c'est intéressant aussi la racine du mot. Hologramme. En tout cas, ceux qui s'intéressent, là, la philologie et ces choses-là. Mais l'affaire, c'est juste que l'être humain est extrêmement naïf, qu'il n'a jamais évolué par lui-même au sens collectif. Fait que c'est comme dans le temps, il apparaissait des colonnes de feu. Puis là, les Hébreux suivent ça. Ils tombent de la manne, puis ils mangent ça. Là, c'est quoi, dans le fond? C'est quoi? C'est malhonnête dans le c'est où ça crée une relation asymétrique. Le fermier est tout à fait honnête avec les poules quand il les nourrit. Ouais, mais il les nourrit pas pour les nourrir, il les nourrit pour se nourrir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est pas honnête quelque part. C'est pas une affaire d'honnêteté, c'est pas à ce niveau-là. Parce que la poule, tu peux pas communiquer avec d'une façon horizontale. Ça va tout le temps être vertical. Donc, les poules sont nourries pour se nourrir d'elles. De la même façon, les Hébreux suivent une colonne de feu dans le désert parce qu'ils ont une programmation en tant que peuple, puis ils vont servir à quelque chose. Mais bon. Mais ça ne l'empêche pas de leur couper la tête quand c'est le temps. Voilà. Ben oui, c'est pas c'est tellement. Vous leur garrochez du grain, là, il en passe une proche, vous attrapez ça par une patte, puis vous partez avec, puis le lendemain, les autres poules. Ils ont pas ils vont pas dire ah ben telle poule qui avait telle odeur est disparue, ils ont dû la tuer, ils vont pas réagir de même, ils vont relancer du grain, puis les poules viennent de nouveau. C'est ça une poule, je veux dire. C'est un peu un canard, ça commence déjà à être plus allumé un peu. Mais une poule, ça n'a pas une mémoire extraordinaire. Vous mettez le poussin sous une cloche de verre, puis elle ne le voit plus parce qu'elle ne l'entend pas. C'est très mécanique, réactif, une poule. Fait que, donc, mais c'est un petit animal qui vivait sur les cours d'eau puis qui était extrêmement facile à apprivoiser. Il y a des poules partout. Partout ce qu'il peut en avoir. C'est un animal qui est extrêmement facile à élever, qui est extrêmement. Bon, ça dépend, là. Il y a différents types d'oiseaux qui sont plus ou moins allumés. Mais une poule, vous en ramassez une par une patte, vous partez avec, puis après, vous sortez le seau avec les plumes, puis ils se rendent compte de rien. Ils n'ont pas la capacité de synthétiser le réel, puis de résoudre des problèmes au niveau d'une projection psychologique. Donc, ils se rendent pas compte. Mais ça n'est l'en paix, moi. Que penses-tu des attaques psychiques qui se comparent aux céphalées de Horton? Est-ce que l'électrification neuronale peut être un parallèle avec cette douleur? On tombe dans des choses. Vous savez, la douleur, on souvent crée un conflit inconscient, puis on va subjectivement vouloir donner un sens à ça, une signification, puis. C'est-à-dire un conflit qui n'est pas psychologique nécessairement, on va essayer de le régler psychologiquement, mais c'est une façon inconsciente. On va donner un sens aux choses. Ça fait que, oui, mais c'est du cas par cas, là, à mes yeux, dans le sens que comme les graines avec râleau. Puis... Prenez les écrits des mystiques. Il y en a qui ont eu des grandes douleurs au niveau de céphalée. Donc, les poules se souviennent très bien où est mon jardin. Ouais. Mais, tu sais, oui, ça, oui. Au niveau, c'est comme les abeilles. Ou les abeilles, quand une fois que vous les enfumez, puis elles vont retrouver des fleurs le lendemain, elles savent, elles sont où? C'est un savoir qu'elles ont, c'est pas une connaissance. Donc, psychologiquement, elles vont pas considérer, elles vont pas faire le lien entre vous et le miel qui a disparu. Alors, même pareil. Une poule et une foule sont assez semblables sur le coup. Non, il y aurait des nuances à apporter, là. Il y aurait des nuances à apporter. Mais on n'a pas beaucoup d'empathie, je trouve, plus on avance dans le temps. Puis, bon, prenez au Québec, il y a eu un cas, là, Aurore Gagnon, qui est une petite fille qui a été martyrisée, puis qui est décédée à la vue de tout un village. Puis tout le monde disait, ben, c'est pas de nos affaires. On s'en mêle pas. Puis ça servait à créer la DPJ. J'ai eu un voisin, un monsieur européen, qui avait je pense, un berger alsacien ou une sorte de berger allemand croisé. Puis à un moment donné, les voisins se sont plaints que le chien jappait. Puis à un moment donné, je l'ai vu revenir du travail avec son chien, puis il avait une cravache. Une cravache pour battre les chevaux. Puis je sais que ce gars-là faisait pas d'équitation. On n'a plus jamais réentendu japper le chien. Savez-vous pour qui il travaillait, ce monsieur-là? Pour la DPJ. Eh oui. Donc, pour devenir fort, ma voix spirituelle préconise à l'individu de développer les arènes dans lesquelles le savoir est expérimenté. Relation santé-travail de spiritualité. OK, là, il faut que je relise ça, là. Pour devenir fort, ma voix spirituelle préconise à l'individu de développer les arènes dans... C'est l'affaire, la voix spirituelle, vous voyez. C'est parce qu'une spiritualité à ce niveau-là, ça va être un cheminement. Puis, mais c'est correct, je veux dire, je pourrais... On voit ici le magasinage supramental. Réponse céphalée de Horton. Ben oui, bon, c'est pas de mes affaires, moi, elle. J'ai pas à commenter ses affaires à elle. C'est mieux pas. Ben, j'ai pas envie de... C'est comme les autres, là. La conjointe à Jean-François Lisée, puis considère que ça me concerne pas, que ça n'a pas rapport, puis je n'ai pas. Ça m'intéresse pas. Dans le sens que, bon. Ouais. Quel est ton point de vue sur le monarque prophétisé pour la fin du cycle? Ben là, c'est une forme. C'est-à-dire que. On appelle ça comme ça, mais quand ça va arriver, là, on va dire, ah, c'était juste ça. C'était possiblement. Mais vous savez, ça, c'est l'être humain, il est comme ça. C'est pour ça que dans le judaïsme, on attend encore les messies, puis que les chrétiens attendent le second avènement. Puis l'être humain, il est mis en condition, puis il est conditionné par de la mémoire, puis il est dans l'attente. C'est un être dans l'attente, ce qui est psychologique. Comme la poule, elle ne s'attend pas à se faire ramasser par une patte, elle n'est pas dans l'attente de recevoir le grain nécessairement, mais quand on lui garoche, elle mange. Mais elle n'est pas psychologique, vous voyez. Elle ne peut pas se mettre à dire je vais cacher les grains par là, puis pour en avoir pendant. Je trouve que la société fait en sorte que l'empathie diminue énormément. Oui. Le principe d'altérité est utilisé contre l'individu et à son insu. C'est-à-dire qu'on va créer l'autre, parce que c'est juste une création psychologique, l'autre, la notion de l'autre. Parce qu'aimez-vous les uns les autres, ça n'a pas rapport avec le principe d'altérité. Pas au sens de maintenant. Tandis que se craignent les uns les autres de pas vouloir. Bon. Lugubre anecdote. Ah, je ne sais pas à quoi vous faites référence. Ah, vous parliez, un poulet et une foule sont assez semblables. Je vois pas. Peut-on vraiment être honnête avec la masse? Oui, si vous êtes très sélectif dans votre propos, vous pouvez vous permettre d'être honnête. Mais là, c'est là que c'est une affaire de discernement. Le chien et l'homme à la cravache. Ah oui. Oh oui, ça m'a. Ben moi, quand je l'ai vu descendre de son auto avec une carafe, je savais que ce monsieur-là ne fait pas d'équitation. J'ai compris tout de suite. Puis après, quand on m'a dit, juste d'autres voisins qui avaient jasé avec, qui disaient, ah, oh, il travaillait pour la DPJ, dans ma tête, c'était. Ça marche. Ça, malheureusement, là, tout était logique. Vous savez, des fois, vous arrivez devant un gâchis, puis vous vous dites, ah, tout s'explique maintenant. Non, ce n'est pas un cheminement ici, c'est un équilibre, la force effective d'un. Parlez-vous, ça peut être statique. L'équilibre, la force effective d'un individu est égale au plus faible de ses quatre piliers relationnels, travail, santé, spiritualité. C'est quoi le travail à ce niveau-là? Parce que santé, spiritualité, on pourrait. Moi, je parlerais. Le travail, ça fait partie du relationnel. Voyez, là. Santé, spiritualité, c'est pas nécessairement, même si c'est lié. C'est, vous voyez, là, c'est parce que justement, vous avez un discours très spirituel. Puis, c'est ça que ça fait. Dans le sens que, regardez, là, la structure, comment c'est. Le travail, c'est, tu travailleras à la sueur de ton front. C'est quoi ça? C'est lié justement à la contrainte. Pourquoi le social? Pourquoi l'être humain, on dit, c'est un animal social? Prenez santé, spiritualité. Oui, mais là, c'est quoi le lien entre les deux? Le plan psychologique. Mais on peut réduire ça. Il n'y a même plus besoin de colonne. Puis le toit va tenir. Pas besoin de. Sandra Vimont prétend que tous les démons de l'univers l'attaquent en même temps. Je vais finir par être obligé de dire, parlez-moi pas d'eux autres. Ben, j'ai pas le droit de dire ce que j'en perçois. J'ai pas le droit de faire ça. C'est pas de mes affaires. Tous les démons de l'univers l'attaquent en même temps. Imaginez, là. Trouvez-vous que ça a de l'allure? Hey, ça me fait penser, savez-vous à quoi? À Jules Bourdoin puis ses statues de la Vierge avec des fusils laser qui combattaient les Atlantes. Les. Tous des. À un moment donné, c'est pour être. C'est pas supposé être impressionnant. Quelqu'un qui est haut en fréquence, il n'y a rien qui l'attaque. Il va falloir prendre l'événementiel pour créer un choc, pour ouvrir une brèche. Pis. Pour les attaques de démons, il faut utiliser des fléchettes en argent. Coudonc, j'ai-tu des trolls aujourd'hui ou prendre une autre drogue, moi? Ok, moi. Ouais. Désolé, mais non, ça n'a pas d'allure. Ben oui. Ben là, imaginez, là. Il faut pas avoir une notion, c'est quoi un démon? Vraiment, là, un vrai démon, là. C'est quoi, là, ces affaires-là? C'est fort, hein, ça? Je veux dire. Imaginez tous les démons de l'univers. Hey, il s'agit qu'un ado de 14 ans ait calé un coup de poing sur le menton puis elle va être KO à terre, qu'elle vienne pas me faire chier. Tous les démons de l'univers l'attaquent en même temps. Hey, là. Ça, c'est rire du monde, ça me met en colère. Là, même, je ne suis pas supposé me prononcer là-dessus. J'ai pas le droit. Mais. Tiens, tiens. Bon. Je plaisante, on peut faire des farces. Non, oh oui, vous pouvez. C'est parce que c'est pas des jokes, ces affaires-là. Bon, des fois, on finit. C'est correct, l'humour s'en prend. Mais souvent, on se rend compte à nos dépens que c'est bien sérieux. Bien sérieux. La vieille madame qui a été exploitée par la CAQ pour faire une publicité, mais. En lumière beaucoup sur la nature abusive et de la manipulation de nos dirigeants. Il faut vraiment être tordu sur les bords. Ben oui, mais c'est pas son déconnecté du monde. Faut être déconnecté du monde pour manquer de discernement au point d'avoir fait une pub comme ça. Ça vous montre à quel point ils sont déconnectés. Après ça, surprenez-vous pas s'ils pensent qu'on peut faire vivre une famille à faire 75 pièces d'épicerie par semaine puis que les loyers, c'est 475 pièces par mois. Ils sont déconnectés. Comme là, je chialais par rapport à ce qui m'a été dit sur Madame Dumont, mais je ne sais pas si elle a vraiment, prétend vraiment des choses comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui me dit quelque chose qu'elle n'a pas dit. Si vraiment elle a dit ça, que tous les démons de l'univers l'attaquent en même temps, il faudrait savoir qu'est-ce qu'elle veut dire par ça. Parce qu'à un moment donné, c'est pas ce que garde. Là. Je suis encore accroché là-dessus, je m'excuse, mais ça me. J'ai bien de la misère avec certains discours. Donc, oui, mais on a compris le sarcasme. Donc, vous savez, là, le sarcasme, ça vient de sarcasmus. Sarcasmus en latin, sarcasmus en grec, ça veut dire de l'ironie mordante, comme une morsure de chien. Non, mais c'est tout un truc, ces quatre piliers, je ne peux pas détailler. L'important, c'est de voir que c'est le plus faible qui donne la mesure de la force effective d'un individu. La force, c'est qu'il y a un rayon, c'est votre cinquième pilier, puis lui, ils ont pas besoin des autres. Quand ça, c'est ajusté, s'il y a un alignement des corps, si on peut dire, si on s'exprime dans un langage peut-être un peu abstrait, il y a le rayon, puis c'est tout. Ça, c'est ça le pilier, un pilier. Pas besoin de regarder là, comme certains groupes initiatiques sont dans le magnétique, eux autres, il y a deux piliers. Ça va tout amener par paire. Le 4, c'est une vibration de cycle bouclé. C'est une vibration d'évolution. Le 1, c'est pas pareil. Donc, l'affaire des piliers, juste le travail est une construction sociale. Comment est-ce qu'il peut être un pilier? Ça dépend de quoi on parle. Là. Mais même le travail lié par rapport, ça va être involutif. Là. En tout cas, c'est comme développer sur les attaques de démons ou autres, c'est comme vivre en état de siège. On ne peut pas vivre comme ça. Il faut quand même continuer à vivre la plus équilibrée possible. Ouais. L'affaire, c'est que quelqu'un qui va dire « ben, je t'attaque en même temps par tous les démons de l'univers », ça va être pour essayer de démontrer, regarder comme je suis fort. Ça ne m'atteint pas. Mais oui, mais c'est pas vrai. C'est sûr. Puis d'une certaine façon, le double est un soleil qui brille pour soi, pour intégrer le double et développer la télépathie. Est-ce normal que ça fait parle en référence aux mémoires ou dans le moment d'impuissance? Oui. Ben, les moments d'impuissance, c'est là que vous avez besoin d'appui. Puis l'affaire parle en référence aux mémoires, ça va être pour intégrer des fois des choses qui ne l'ont pas été ou pour briser des forces. Bon, du coup, c'est comme ça. Quand ça me parle des vieilles affaires, c'est pour me faire. Puis peu importe qu'est-ce que je regarde ou qu'est-ce que j'écoute, ça va corriger à mesure. On dit, ah, ça, c'était l'affaire. En tout cas. Pas besoin de démons quand tu es dans ton pouvoir sacré. Ouais, sacré, ça dépend de ce que je voulais dire par sacré. C'est ça, là. C'est quoi le pouvoir? Le sacré ne peut pas venir de vous. Donc, c'est quoi le pouvoir? C'est Kadosh, le sacré, c'est son propre niveau. Là. Ça, c'est... En tout cas, j'ai jamais vu de démon par faute d'avoir essayé. Vous n'avez pas de télévision. Vous n'avez pas de journaux. Non, c'est une farce, là. J'ai jamais vu de démon par faute d'avoir essayé à une époque. Après... Je comprends pas ça, pourquoi le monde veut... Après, on va me dire que c'est parce que je suis un mécréant ou dans une mauvaise approche ou indigne. Depuis quand est-ce que c'est pas être mécréant de voir des démons? Il y a de quoi qui marche pas, là. Dans le sens, on n'est pas supposé chercher à voir des démons. Il y a de quoi qui marche pas, là. Pourquoi? Ça, quelque chose là-dedans, je comprends pas. Le monde, ils veulent voir des entités, ils veulent être en trafic avec des entités, ils veulent voir des phénomènes paranormaux, ils veulent voir des ovnis, puis ils veulent voir toutes sortes d'affaires. Puis là, on parle de ça avec, puis tout, puis là, il y a un petit oiseau qui se frappe dans la fenêtre, là, puis il lève de leur chaise, là, il revole au plafond. Ben oui, heureusement que ça... En tout cas, toujours pareil, quand les trucs mystiques ratent lamentablement, c'est de la faute de l'expérimentateur. Ben, ça dépend, là. Ben, c'est peut-être dans l'intérêt de l'expérimentateur de ne pas expérimenter ça. C'est ça que je veux dire, là. Ça devrait, tu sais, juste être bien, là. Juste être, avoir une vie qui vous satisfait, puis pas besoin de retourner le concret. Le beau, le bon, le bien. Fuck les démons qui mangent la marde. Pas besoin de les voir, là. Dès qu'on voit un démon, on est manipulé. D'une certaine façon, parce que ça crée de l'impression. Sandra Vimont pourrait donner des cours de conscientisation dans une classe de maternelle. Ça serait parfait. Je ne vais pas commenter. Parle-moi pas trop. C'est pas de mes affaires, ce monde-là. Le rayon dont tu parles, je pense. Ah, moi. Non, mais il y a une loge pas loin de chez moi. Bon, il y en a partout. Même dans mon coin, il y en a. C'est juste que, bon, il n'y a pas un temple avec un fronton puis tout, là. Mais ils ont des locaux. Souvent, c'est dans des blocs à bureaux. Puis, bon. C'est même des clubs de golf qui ont une petite pièce pour ça. Ben, une petite pièce. Des fois, c'est avec des affaires mobiles. Ils changent. Bon, du coup. Admettons qu'ils veulent louer la salle. Mais quand on loue la salle, puis qu'on regarde comme faut, on voit des petits détails, puis on dit, ah. En tout cas, c'est de la curiosité, moi. Puis la curiosité, ça va être lié à la connaissance pour savoir. Comme ce qu'ils font avec le CERN en Suisse. Moi, ben, il y a quelqu'un à un moment donné qui me parlait de ça, là. Ils vont restarter l'accélérateur. Ça m'inquiète pas, puis de pas s'inquiéter avec ça. C'est des jouets, des bébés. C'est pas ça qui va. Ça spinne à fond la caisse depuis le 5 juillet. J'aimerais pas ça habiter au-dessus. Bon, vous savez. Ça vous tournerait autour, ou en dessous de vous, je veux dire. La collision va pas. Double égale autocorrecteur et ajusteur. Voilà. Si c'est pas ça, si votre double, là, vous vous entendez trop bien avec, dans le sens que il vous donne des affaires extraordinaires, là, des choses merveilleuses, là, puis ça vous entre de plus en plus dans le merveilleux, puis l'amour du merveilleux, puis la fascination pour c'est pas le double. Puis il n'y a pas grand-chose de plus dangereux que ça. D'être en contact avec quelque chose, puis de penser que c'est le double, puis c'est pas ça. Le double, là, il va servir, lui, il va tout le temps réajuster. C'est comme, il va vous montrer que vous vous trompez. Il va vous montrer que quelque chose n'est pas réel. Il va vous décevoir, il va s'arranger. Vous soyez déçu, il va vous expliquer pourquoi vous êtes déçu. Il fait chier, là. Bon, en tout cas, moi, ça, en tout cas. Le bien, c'est le beau, le juste, le vrai. Bel adage platonicien qui me sert de repère sur moi, sans tomber dans le platonicien. Pas besoin. Ça, c'est réel, dans le sens, on regarde derrière la forme. Pas besoin de dire, ah, ben, ça, c'est platonicien. Ça, c'est aristotélicien. On s'en fout. Pensez-vous que ça venait vraiment de Platon? Qu'il n'y en a pas d'autres qui ont dit ça avant. Ça venait pas de lui. Ça venait pas de lui. De toute façon, là, eux-mêmes, ils ont admis l'existence de certaines formes, comme le double. C'est juste qu'ils s'étaient parlé autrement. Prenez ces affaires-là, le démon de Socrate, et les gens qui parlent de leur ange gardien. En tout cas, sans vouloir focaliser sur ma personne, je suis ancré dans le. Connaissance. Je sais, c'est pas la démarche du supramental, mais je suis comme ça. Bon, c'est correct. La démarche du supramental, c'est pas de dominer. J'ai pas le droit de venir dire comme j'ai pas le droit de le dire, ben ça, j'ai le droit de le dire en tant qu'individu, j'ai le droit de dire deux affaires, mais j'ai pas le droit d'être axiomatique, j'ai pas le droit d'être dans l'assertion d'une façon subjective. Ben, pas dans le sens, j'ai pas le droit, dans le sens des règles. J'ai pas le droit dans le sens que si je fais ça, ben, ça baisse mon affaire. Je perds de l'énergie, puis là, je pourrais me perdre, là, dans les méandres de mon ego, les dédales de mon ego. Il y a un architecte qui s'appelait Dédale. Il cachait des monstres. Je suis à cheval. Un cheval de trait qui a besoin de faire des efforts. Ben oui, ben ça, c'est tout le monde. Les gens s'en rendent compte ou pas. Donc, les choses qui se débloquent et viennent d'elles-mêmes, c'est pas une façon d'être. Il faut que je cogite, réfléchisse, lire, pondérer, revenir encore et encore moins. Mais vous êtes beaucoup dans l'arbre, la mémoire. Moi aussi, mais je veux dire. Travaille pas juste avec ça. Si, je veux pas me casser la tête. À mes yeux, la réflexion, c'est une nuisance, une perte d'énergie souvent. Souvent, je vais me rendre compte, je vais avoir un flash, puis avoir une perception première, puis après, je me mets à réfléchir, puis à changer d'idée, puis à penser que c'est d'autres choses. Puis finalement, une fois que je vérifie, c'est tout le temps la perception première qui est arrivée d'un coup sans réflexion qui est la bonne. Donc, c'est là où je vous dis, la réflexion, c'est les mécanismes de l'ego magnétique lunaire, si vous voulez, comme la lune, qui n'émet pas d'intuition, vous voyez. Mais l'intuition, il ne faut pas qu'elle soit trop interprétée par l'ego, c'est-à-dire qu'il faut que ça devienne une seconde nature qui va de soi, qui est naturelle. Puis là, vous allez finir par vous rendre compte qu'il y a des phénomènes de savoir. C'est-à-dire, il y a des choses que vous savez d'une façon instantanée sans avoir besoin de les réfléchir, puis d'amplifier ce phénomène-là. Là, ça devient subtil. C'est ça là, qui est les gros, la préconscience. Vous voyez, c'est pré-personnel, c'est-à-dire même avant que l'ego serve de lentille. Merci pour votre réponse, ami utile. De rien, si ça peut servir. Depuis une semaine, quand je parle, j'observe que je m'enfarge dans mes mots et que j'ai l'air de pas trop savoir quoi dire. Mais ça fait toujours du sens comme résultat. Je ressens un manque de contrôle. Vous savez, faut à un moment donné, pour devenir en contrôle, il faut abandonner l'idée du contrôle. Parce que vouloir être dans le contrôle, à ce niveau de ces choses-là, c'est comme si vous essayeriez d'apprendre à faire de la bicyclette en voulant pas vous tomber ou en voulant avoir le contrôle à tout prix. C'est-à-dire que finalement, vous ne ferez pas de bicyclette, vous allez garder la bicyclette dans votre cour puis la regarder de la fenêtre. Puis dire, j'ai décidé de faire de la bicyclette. Puis pour apprendre quelque chose, il faut perdre le contrôle de temps en temps. Plus vous allez perdre le contrôle de temps en temps, mais pas d'une façon, c'est pas d'aller prendre la bicyclette puis d'aller jouer sur l'autoroute, là, c'est pas ça. Mais on apprend à être en contrôle en tombant, en perdant le contrôle de temps en temps. Puis, il y a un processus. Donc, c'est pas mauvais. J'essaie de retenir d'où je tiens les informations avec lesquelles je marche au jour le jour. Cette formation est synthétique. Elle m'est utile. Elle ne m'est pas venue depuis mon intériorité. Ah. Encore là, ça dépend qu'est-ce que vous voulez dire. Parce que je recherche au jour le jour. Ouais. Cette formulation est synthétique. Elle m'est utile et elle ne m'est pas venue depuis mon intériorité. J'avoue que je ne vois pas. Parce que c'est vraiment au jour le jour. De toute façon, vous voulez voir, vous voulez spatialiser l'information. Ou vous voulez dire de quelle partie de... Voyons que c'est ça. Cette idée que j'ai toujours vouloir faire mes lives le samedi. En tout cas, je dois avoir un esprit de contradiction. Là. Dans le sens, vous savez, une canalisation incontrôlée, c'est toujours... vous pouvez... ce qui va rentrer, qui va passer, vous n'aurez pas nécessairement le contrôle, ça va être inattendu. Mais l'état de canalisation, là, ça, c'est supposé. Mais des fois, ouais, moi aussi, des fois, là, ça part, puis c'est pas le temps. Il y a comme un délai. Des fois, je vais demander telle affaire, j'ai un problème avec ça. Puis là, je suis quelques jours sans. Puis là, tout d'un coup, je suis en train de faire mon épicerie ou je suis avec des gens. Puis là, tout d'un coup, pouf, pouf, pouf, ça désabelle. Là, c'est pas le temps. Mais il y a des. C'est difficile là, avec ces affaires-là. C'est des phénomènes tellement... Ben justement, c'est des phénomènes qui sont liés à des structures prépersonnelles. Donc, c'est difficile là, de... On peut pas... Ouais. Ça devient difficile parce que des fois, c'est inattendu. Puis plus on fait des demandes, plus qu'on va avoir des résultats dans le sens... Pas des demandes dans le sens de donner des ordres de l'invisible, mais... Ça va suivre une volonté réelle. Si on donne une direction à l'énergie, ça ouvre une porte. Mais là, ça peut avoir un délai. Puis là, à un moment donné, j'ai pas mal de monde qui m'ont écrit. Une fois que c'est ouvert, ça, ils savent plus comment le fermer. Ça arrête plus. Là, ils dorment pas de la nuit. Ou bien, bon, je dois partir. Bonne fin de journée à tous. Bon, ben, bonjour. Bonjour à vous. Moi aussi, là, je vais devoir quitter. Ça fait pas longtemps, mais je veux pas faire un trop long live. Je parlais de la formulation de « le bien, c'est le beau, le juste, le vrai ». elle aurait une autre valeur si je l'avais reçue depuis l'intériorité, mais je l'ai entendue de l'extérieur. Moi, l'intériorité, c'est parce qu'au niveau de l'intériorité, il y a une résonance pareille. La résonance, ça ne vient pas de l'extérieur. La mise en vibration va être liée à un facteur externe, mais la vibration, là, c'est vous. Donc, c'est ça, là. C'est qu'est-ce qui est fibre ou pas. Vous voyez, là? Puis donner une valeur. Je voulais vous dire par rapport à l'effet, une fréquence. Depuis environ 3 semaines, chaque fois que je regarde l'heure, il est soit 11, 11, 3, 3, 3, 4, 4, 4, et que je sais que ça a un lien avec la synchronicité, je ne sais pas s'il y a quelque chose à comprendre à ça. Donc, je considère que non. L'affaire, c'est que ça vous donne un sens à ça. Puis inconsciemment, dans votre inconscient, vous savez toujours l'heure d'une façon parfaite. Donc, si ça peut vous apporter un sens ou quelque chose, vous allez inconsciemment être porté à regarder l'heure quand il y a ça, quand il y a ces formes-là. Pourquoi? Parce que ça vous donne un sens, puis ça vient vous... ça donne un petit peu d'énergie, comme. Mais vous savez tout le temps intérieurement exactement l'heure qui est, mais ce n'est pas conscient. Parce qu'il y a des corps très, très sensibles, justement, qui sont liés au cosmotellurisme, c'est-à-dire la position du soleil, de la Terre. Toutes ces affaires-là, c'est comme une horloge. Puis on est très, très sensible au niveau du système nerveux, mais ce n'est pas tout conscient. Mais vos corps, certaines parties de vos corps, vous savez exactement l'heure qui est. Vous savez, on parle d'horloge biologique des fois. Donc, ah Benoît, j'ai de la misère avec Glenn, puis son astite 24 février 2023, ça me dit que ça crée une crise de grosses illusions et les gens meurent de même son. Ouais. OK, il y a quelqu'un qui a écrit horloge biologique, moins. Moi, j'essaie de ne pas l'écouter, Glenn. Je l'écoute de temps en temps, peut-être une fois ou trois ou quatre mois, je prends de quoi par hasard, puis je regarde où ce qu'ils sont. Je regarde où ce qu'ils sont rendus, je regarde la vibration, je regarde ce qui se passe. Puis, c'est peut-être de la curiosité un peu, mais aussi c'est parce que, comme quand j'écoute quelqu'un ou quelque chose, ça me force le contact, puis il va y avoir une correction qui est faite à mesure, ça peut être stimulant. Mais il reste que, bon, la dernière affaire, le dernier que j'ai écouté, puis là, il doit en faire un aujourd'hui, on est samedi. Je ne sais pas si par esprit de contradiction, lui, tout, quand c'est Shabbat, il fait des... En tout cas, je comprends ça du son. C'est qui, Glenn? Glenn, c'est un ancien professeur d'éducation physique qui a aussi été animateur à la télé communautaire et à la radio. Puis c'est aussi... Puis ce monsieur-là, c'est une des personnes, quand les gens parlaient d'occultes ou des choses ésotériques, il fallait que ça passe par lui. C'est un peu le filtre qui était mis, puis il fallait que ça soit par lui. Puis bon, Glenn, c'est quasiment rendu, ah, vous avez retiré votre message, j'ai pas eu le temps. Puis bon, en tout cas, c'est une longue histoire, mais vous cherchez Glenn, Richard, Glenn, G-L-E-N-N, vous allez voir c'est qui. Vous allez voir c'est quoi. J'aime quand Glenn met de la reverb dans sa voix, ça vibre très haut, haut comme dans Marche au plus moins. D'après toi, comment International va s'y prendre pour éteindre toutes les religions, phénomènes, holographies? Éteindre? Ça dépend là. Vous parler parce qu'éteindre l'international, vous entendez quoi par l'international, va se prendre pour éteindre toutes les religions. La religion dans l'homme, c'est loin de s'éteindre, là, c'est de la mémoire. Fait que je ne sais pas, là, ça dépend. Si on parle au niveau d'un cosmos, il va y avoir une syncrétisation de tout ça, pas une extinction. En tout cas, la conscience, regardez l'œcuménisme, ces affaires-là, c'est pas de d'éteindre, là. Comme un accouplement malsain. La conscientisation fait prendre la mémoire et fait perdre la mémoire et l'homme conscient ne prend pas au sérieux ce qu'il dit. Un homme conscient peut-il promettre et tenir ses promesses? Oui. Oui, on a. Mais ça dépend tout le temps. C'est-à-dire, si c'est ajusté, il va tenir sa promesse. Ça va être ajusté avec sa parole. Si c'est plus ajusté à cause du contexte, Ça se peut des fois qu'ils remplissent pas sa parole. Mais ça pourrait y avoir tout le temps avoir une raison, même des fois qu'il lui échappe. J'avais quelqu'un que je connaissais qui a tout d'un coup, qui ça allait pas bien, puis il avait été interné. Puis il savait que j'ai juste une parole. Quand je dis que je vais faire quelque chose, je le fais. Puis il m'avait demandé d'y apporter du laitier. Puis je l'ai pas fait. J'avais promis, j'avais donné ma parole. Je dis, oh oui, je vais t'amener du lait de soya. Puis je l'ai pas fait. Mais c'était pas bon pour lui. Ça a fini. Il y a de quoi qui m'empêchait de le faire. Quand j'étais jeune, je perdais mes montres. Après un temps, j'en ai plus eu besoin. Je savais l'heure et parfois c'était exact et encore aujourd'hui. Oui. Puis en plus, le temps, c'est... Glenn aime les petits gars. Moi, ben là, ça, c'est le genre d'affaire que je peux pas commenter ça, là. Ben de la misère avec ça, mais oui, semblerait. Je n'ai pas le droit d'être dans l'assertion et de dire oui. Mais l'affaire, c'est qu'il est arrivé, bon. Le tantrisme, OK, on va être clair. Le tantrisme, c'est un couple. Il faut après un pôle positif et un pôle négatif au niveau du magnétisme pour exercer ça. C'est lié à des initiations assez subtiles au niveau justement de la force vitale, l'électromagnétisme, ces affaires-là. Puis lui, ben, il s'est ramassé en cours. Pourquoi? Parce qu'il aurait appliqué des techniques de tantrisme. Puis là, on va parler la voix de la main gauche au sens d'énergie sexuelle. Avec, comme vous dites, puis le juge ne l'a pas cru. Puis il est allé en dedans. Fait que là, faut comprendre qu'au niveau des initiés de la connaissance, de tous les groupuscules qui existent, il y a tout le temps eu des affaires de même. Il y a tout le temps eu des affaires de même. Puis même, vous avez du monde qui vont philosopher. Puis même aujourd'hui, c'est rendu bon. Mais moi, j'ai pas le droit de parce que j'ai pas le droit d'être dans l'assertion puis dire, ouais, c'est. Parce que dans le fond, c'est pas de mes affaires. Dans le sens que c'est à la société. C'est pas à l'individu de juger l'individu à ce niveau-là. C'est à la société. Puis la société, ben, elle a le discernement égal. Ça fait que, d'une certaine façon, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? C'est aux parents d'avoir de l'instinct puis de l'intuition. Puis de pas amener leurs enfants dans des affaires de même. De pas les amener à prenez l'autre en Inde, là, Saïe Baba. Ses victimes, c'est les parents qui les amenaient. Parce qu'ils étaient fascinés par le bonhomme. Fait qu'à un moment donné, bon, moi, j'ai pas le droit de dire c'est vrai ou c'est pas vrai. Mais l'affaire, bon, c'est passé en cour. Mais le juge l'a pas cru. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, là? Mais il y a tout le temps eu des affaires de même. Il y en a tout le temps eu. Chris, prenez l'autre, là. Le petit fou, là, Aleister Crowley, puis bon. C'est un petit peu ça comme certains aspects négatifs du féminin. Certaines sociétés au niveau du féminin, prenez dans le temps, il y avait les bacchanales. Puis eux autres, si un homme les surprenait, il se faisait tuer. C'était des femmes, puis là, ça tout le temps lié à l'avortement, puis là, si vous regardez dans le temps, la voisine. 17e siècle, il y avait des affaires d'avortement, il y avait des affaires de rituels. Il y a certaines affaires qui vont tout le temps être liées à certaines autres affaires parce que c'est comme des. Alors, ça vient ensemble. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour ça, moi, ça m'écœure tout ce qui est les initiations, les sociétés initiatiques, les groupes occultes. Tu sais, quand tu vois là, le côté vampirique, toute la marbre. Puis, c'est pour ça qu'on peut regarder comme observateur, on peut essayer d'avoir du discernement, mais c'est aux parents d'avoir du discernement. De toute façon, il y a un problème si on est fasciné avec des affaires comme les groupes initiatiques, les groupes ésotériques, les mystères. Chris, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de maître, il n'y a pas de groupe qui ont la vérité réelle, parce que c'est l'envers du faux, ça fait partie de la polarité dans le mental. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'on soit des individus autonomes, puis qu'on arrête d'être accrochés sur certains, ce qu'on pourrait appeler des maîtres. Parce que là, C'est un immature, lui. Il se prend pour Obi-Wan Kenobi, son site, section main, puis c'est tout lié à Star Wars parce que les films pour enfants, lui, ça l'impressionne. C'est sûr. Donc, le côté narcissique va faire qu'il va avoir une projection vers ce qui est au niveau de la. Mais j'ai pas le droit de. En tout cas. Mais j'ai pas le droit de. C'est pas de mes affaires. Désolé. Bon, c'est la société. Ces affaires-là, c'est la société. De juger ça, moi, je ne veux pas juger rien. J'essaie de parler en discernant, pas de savoir se préserver des mauvaises vibrations. Ouais, pour ça, il faut être sensible. Les initiés de la connaissance, je les ai à la même place que nos dirigeants. Ben, c'est la même chose. C'est la même affaire. Ceux qui se croient à nos dirigeants, ben, qui exercent le pouvoir, mettons. Bonsoir, Alternative J. Benoît, il pourrait y avoir un artefact ou une sorte de phénomène qui remettrait en question le noyau de base de toute forme de religion et de toute forme de conception. Un artefact, un objet donc, ou un tombeau. Ouais, ben, il y a des choses bizarres avec le Québec, enfin, avec la France, premièrement. Parce que, bon, les choses qui sont cachées au Québec sont venues de France. Là, je parle d'objets, là. Mais bon, ça, on verra peut-être ça plus tard. Prenez, il y a des choses qui ont été financées dans le temps par un homme qu'on appelait le baron de Fancan. Si vous faites une recherche, le baron de Fancan n'a jamais existé. C'est la même chose pour un paquet de. Il venait d'où l'argent? C'était quoi la société du Saint-Sacrement, là, la compagnie du Saint-Sacrement? Pourquoi il était persécuté par le pouvoir? Pourquoi il y a eu des expéditions de continuer à construire des hôpitaux au Québec? Vous regardez les plans dans le temps de Marguerite Bourgeois, puis tout, ça n'a pas l'air d'un hôpital. Ça a l'air d'une sorte de bâtiment. En tout cas, il y a des soi-disant supramentaux très dangereux, très psychopathiques, je pense aussi. Mais ça, bon. Mais ils s'accusent entre eux autres. C'est pour ça que je ne veux pas tomber dans des jeux de même. C'est dangereux, là. C'est pour ça que j'insiste que ouais, c'est individuel, puis c'est au discernement. Je laisse là à la discrétion du discernement de chacun. Puis si, à un moment donné, il arrive des affaires, ben c'est au niveau de l'expérimental individuel. Bon, j'ai pas le droit de. C'est pour ça ne me tente pas de parler d'un puis de l'autre. Mais là, Glenn parlait un peu, mais c'est pas du supramental, ça. Pas en tout, même. C'est le supramental, le service de Glenn, quelque part. C'est un ésotériste, c'est un maître. C'est un initié de la connaissance, puis là, même initié en guillemets, là. J'ai vu. En tout cas, ben, c'est pas. Hein. Petite note dans ta vidéo sur le Pentagone, il n'y a pas d'explication sur la lettre C. Mais j'ai supposé que c'est le chef du chef. Oh, et ça revient aux mains. Le chef, le contrôleur, le centre. Oui, c'est correct. Bonsoir, Hercule. Ah, ok, monsieur Poirot. Parce que, je ne parle pas de Glenn, Angélique. Ah, il y a des soi-disant. Pas. Non, Glenn, c'est pas un. Non, non, je m'en doutais que non, mais je parle moi. Bon, ouais. J'ai entendu des affaires, là, même à un moment donné, j'ai dit, OK, wow. Comme une heure maintenant, s'il m'a parlé, là, il y a de la surpopulation sur Terre, là, tout de suite, c'était OK, ouais. Là, je vois les forces. Je vois les forces qui habitent. J'ai dit, non, non. L'être humain, il y a un problème au niveau de la gestion de l'énergie, pas de sa population tant que ça. Quelqu'un qui pense qu'il y a de la surpopulation puis qu'il faut éliminer du monde, c'est pas, il est pas supramental. En tout cas, très très bon live, très apprécié. Ah, ben, merci à vous. Moi, je vais devoir quitter. Emmanuel. Dans le domaine du supramental, notre activité cérébrale fonctionne en accéléré. Moi, ouais, mais ça m'en va même au-delà de ça. Parce que même, il n'y aura pas de processus psychologique. Imaginez, là. Vous ne pouvez même pas suivre les phénomènes, ça apparaît, paf! Parce qu'il y a une affaire qu'on appelle le cerveau éthérique, qui est une structure prépersonnelle. En tout cas, ce serait long là, à expliquer, mais c'est plus que de l'accéléré, c'est de l'instantané des fois. Donc, Baba sortait des montres en or de sa bouche et les gens n'avaient pas l'instinct de voir le super chéri. Ben, c'est sûr que ça fait des millénaires que ça dure. Prenez la Blavatsky, elle est allée dans ces coins-là, elle testait un agent de l'Angleterre. Puis le colonel Lecotte et tout ce monde-là. Puis elle a appris les tours de passe-passe de ces bonhommes-là. Elle a tout étudié ça. C'est pour ça, encore aujourd'hui, il y a du monde qui dit elle a matérialisé des bagues, Elena Petrovna Blavatsky. Mais non, c'est des tours de passe-passe. Tu sais, là, c'est pas normal. Saïd Babou, il te fait apparaître une montre, puis on voit le poinçon où c'est marqué Made in Taiwan en arrière, là, et qui maniait, tu sais. C'est toute de la supercherie. Dans le sens, en Inde, il y a tout le temps eu des choses comme ça. Prenez le fakirisme. Le trois quarts du fakirisme, c'est de la prestidigitation. Je ne parle pas au niveau des yogis qui ont réellement des capacités, puis ça a pris des... Des fois, c'est spécial. Mais il reste que l'Inde, là... J'aime pas ça parler de l'Inde, parce que j'ai en colère. Très, très grande colère. Pourquoi ils sont encore dans la misère? Pourquoi ils sont au niveau de leurs finances? Là, toute la, ce qu'il y a eu avec Gandhi. Gandhi, qui est un jainiste dans le fond, mais qui était récupéré puis formé par les théosophes. Puis c'est un autre agent de l'Angleterre. On parle d'un avocat qui étudie en Angleterre. C'est tout du show. En tout cas, je vais monter. L'empathie n'est réelle que lorsqu'il est vécu individuellement, mais certaines configurations psychosociales facilitent ou empêchent l'émergence de l'empathie. Oui, tout à fait. Les interférences. Puis c'est vibratoire, l'empathie réelle. C'est une forme de télépathie. En tout cas, l'antitélépathie. Au niveau des religions, j'ai l'impression que rien n'a évolué. C'est seulement plus acceptable socialement aujourd'hui, mais beaucoup plus insidieux. Vous trouvez que la religion est plus acceptable aujourd'hui? Pas sûr, là. Il n'y a jamais eu autant de... En tout cas, ça dépend de quoi on parle, là. Mais ça dépend. Ouais. Mais au niveau des religions, j'ai l'impression que rien n'a évolué. Ça, oui, c'est correct. Ben, c'est involutif, les religions. C'est social. Les religions, ce qui relie. En tout cas, je suis en révision pour les prochaines vidéos, comme tu l'as conseillé. J'ai hâte de t'écouter. Ah bon, tant mieux, mais vous allez voir, c'est pas long. C'est des petites vidéos très courtes. Le monde, ces temps-ci, est au walk-in. Qu'est-ce que c'est ça? La mode, ces temps-ci, est au walk-in. Ça fait un vote, ça, les walk-in. Je sais pas si vous voulez, ça dépend là, que je voulais dire par ça, mais marcher dedans. Cerveau éthérique provient du troisième œil en haut du front. Non, pas nécessairement, mais il faut qu'il y ait une syntonie. Si ça vibre par petite pulsion rapide à cet endroit précis, il y a un travail qui se développe au niveau du cerveau éthérique. Moi, c'est parce qu'il faut l'activer. Moi aussi, je deviens en colère. Entendre parler de l'Inde, surtout les mariages, ben oui. Une personne qui perd son âme et une autre âme l'habite. Ouais, c'est parce qu'il va, d'une certaine façon, il va avoir une possession, là, c'est pas pareil. C'est-à-dire, il y a certains aspects de l'âme qui vont rester. La personne ne va pas... peut avoir même une modification de l'ADN, mais la base va être la même. Dans le sens, je ne sais pas si vous voyez là, ce que je veux dire, c'est les mêmes lois, même jusque dans le subtil. Je repense à l'Inde, là, les mariages arrangés. Puis, ça a tout le temps été comme ça dans ce pays-là. Qu'est-ce que vous voulez faire? Prenez, il y a beaucoup de crimes d'honneur qui sont décidés par des matriarches. Prenez chez les Sikhs. Des fois, une matriarche Sikh, elle décide que... En tout cas, je vais devoir y aller. Acceptable n'était pas le bon mot concernant la religion. Justement. Ouais. Ben, ça dépend. Il faudra que je vous relise. Il faudra que je vous relise plus haut. Bonjour, Mister Guerrière. je dois quitter là. Ça fait combien de temps? Bon, 1h45 à peu près. C'est correct pour aujourd'hui. Mais comme la vidéo sur le pentacle, les pentagrammes, je sais que je vais la faire, mais je veux pas encore la. Ah, bonne journée, Mimi. Je sais pas encore quand je vais la faire. J'en ai aucune idée. Aujourd'hui, je savais pas que je ferais un live. Je parie qu'il y a du monde qui le savait que j'en ferais. Mais je pensais aujourd'hui que. Mais là, je vais prendre des nouvelles là, de quelqu'un. Je vais sortir aujourd'hui. Je vais aller me promener. Essayer de profiter de mon samedi. Donc, bonne journée. Ben oui. Donc, bonne journée à tout le monde. Merci, bonne fin de semaine. Bonne fin de semaine à vous. Ben, de rien. Vous savez, c'est pas grand-chose, là. Faut pas non plus me remercier comme si. Bonne journée, en autant que c'est agréable. Bon. Parce que c'est à moi, au fond, de dire merci aussi s'il y a un échange. S'il y a un échange, donc, bon, aloha. Au revoir.